Vendredi 15 septembre, bienvenue à l'émission Les Différents Mélanie Fleurant avec vous jusqu'à 10h. Et puis, cette semaine, moi je rentre tout de suite dans le vif du sujet. On parle de bénévolat, mais pas n'importe quel bénévolat. On va être avec le Centre de parrainage civique de Québec. Et qu'est-ce que c'est que le parrainage civique? On va pouvoir en parler avec eux, savoir ce terme-là, qu'est-ce que c'est exactement? Oui, on sait c'est du bénévolat, mais c'est plus loin que ça. Donc, mes invités ce matin, Monique Maltais, coordonnatrice, Manon Tremblay, qui est une personne fiole en jumelage, et Jonathan Légaré, qui est parrain en jumelage et président du conseil d'administration. Bonjour à vous trois. Bonjour. Bon matin. Tout d'abord, j'aimerais commencer, Monique, avant de parler de l'organisme, oui. De parler qu'est-ce que vous faites, puis rentrer dans, un petit peu plus loin dans le sujet. Qu'est-ce que le parrainage civique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelque chose qui est un peu spécial. Dans le fond, c'est une relation de jumelage qu'on fait avec des personnes qui ont des difficultés de participation sociale, d'intégration sociale. Dans le fond, c'est une relation d'entraide pour permettre aux gens de vraiment plus participer socialement. Mm-hmm. Le parrainage, c'est vraiment le jumelage en lui-même, c'est-à-dire la relation de un à un. Puis on développe cette relation-là pour faire en sorte de créer des liens, faire en sorte que les gens s'impliquent un peu plus socialement, mais aussi s'engager un peu plus dans sa communauté, autant la personne bénévole que la personne filleule. Reprendre sa place, diminuer son isolement, c'est un peu ça le parrainage. Le parrainage civique. Moi, c'était au mot civique que j'arrêtais. Civique, c'est citoyen. C'est citoyen. On pense tout le temps civique, on pense aux lois, on pense, je ne sais pas pourquoi. C'est ça. Je me suis fait poser la question, c'est ça. Et moi aussi, je me suis posée. Et le Centre de parrainage civique de Québec, qu'est-ce qu'il fait? J'imagine qu'on est dans le jumelage, puis dans le parrainage. Puis... C'est notre grande mission. C'est ça, c'est vraiment favoriser ces relations-là, les mettre en branle, faire en sorte que les gens puissent se rencontrer. On dit souvent, maintenant, on est rendu à oser la rencontre. Faire en sorte qu'on puisse rencontrer quelqu'un qui se dit différent à cause soit d'un handicap, d'une incapacité, d'une problématique en santé mentale, qui vit des difficultés. Oser cette rencontre-là avec une personne un peu différente de nous, c'est s'avancer. C'est faire un petit pas de plus dans la société et s'engager un peu plus socialement. Donc, autant, comme je vous disais, autant les bénévoles que les personnes filleules, chacun dans une relation, on a quelque chose à dire, on a quelque chose à faire dans cette relation-là pour qu'elle fonctionne. On en parlait tantôt à l'extérieur. Il faut faire chacun que ce soit plaisant pour les deux. Il faut faire des bons jumelages entre les deux personnes. Autant la personne qui demande d'être jumelée que la personne bénévole qui demande aussi d'être jumelée. À un moment donné, on vient qu'on se rend compte que les deux souhaitent le jumelage au bout de la ligne. Fiole et parrain, là, c'est les termes aussi utilisés au centre de parrainage. Manon, vous avez deux noms. Moi, ça recommence cette année avec les mélanges d'invités. Il y a juste Jonathan que je ne mêlerai pas. Mais Manon, vous êtes une personne fiole en jumelage. Oui. Qu'est-ce qui fait que... Je suis allée chercher. Oui, que vous êtes allée chercher de l'aide, que vous êtes allée... Parce que les personnes fioles, c'est ceux qui reçoivent les bénévoles, c'est ça? Exactement. D'accord. Expliquez-nous pourquoi vous avez pris le téléphone et que vous avez décidé. Comment ça se passe? Moi, ça s'est passé avec une... Juste vous rapprocher du micro, s'il vous plaît. Allez-y. C'était de... J'avais plutôt besoin d'une thérapeute qui venait à la maison toutes les semaines pour ma santé mentale. Parce que je suis allée assez profondément dans une problématique psychologique suite au décès de mon mari. Ensuite, on parlait, puis on discutait comme ça, puis elle me dit, garde, elle dit, j'ai entendu parler. Elle me dit ça, celle qui me suivait, la thérapeute. Elle me disait, il y a un organisme. Un organisme qui est à but non lucratif, qui demande. Et que tu pourrais aller chercher une petite marraine. Bon, à ce moment-là, je me disais, bon, mais vas-tu avoir une madame de mon âge, puis ci, puis ça. On a commencé une, mais ça... On ne sait pas qu'est-ce qui nous attend. Absolument pas. OK. Fait que là, quand la petite Camille, je l'appelle la petite parce qu'elle est tout petite. C'est vrai. Elle a des bonnes oreilles, mais elle est tout petite, des petites oreilles. Mais oui, c'est... Nous autres, ça a cliqué tout de suite. Mm-hmm. On a quand même une grosse écart d'âge, là, d'âge. Elle a quand même juste 22 et j'en ai 65. Puis on se rend compte, on se rejoint. Mm-hmm. On fait des repas ensemble. On sort toujours de nos... Ben, la première rencontre, comment ça s'est passé? Avant la première rencontre même, c'est quoi l'appréhension de voir cette personne-là arriver? Je crois qu'il ne me l'avait pas dit, l'âge. J'aurais dû le regarder, là. J'aurais dit... Il y aurait peut-être eu une réticence, oui. Oui, peut-être. Oui. Oui, puis non. J'ai toujours aimé la jeunesse. Moi, quand on était avec mon mari, on avait des équipes de baseball, nous autres. OK. Hein. C'est intéressant quand même ce qu'elle dit, Manon, parce que c'est sûr qu'on va... Les jumelages se font avec des intervenants sociaux. Mm-hmm. On a quand même trois intervenants sociaux. Alors, ils vont beaucoup selon les goûts, les intérêts des personnes, mais aussi au niveau de la personnalité. Manon, c'est une personne qui est ouverte, qui avait le goût aussi, qui avait envie, puis qui était prête aussi. Il faut se tenir, hein, disponible, ouvert, ouvert au nouveau. Puis cette personne-là qui est arrivée dans sa vie, justement, qui est toute tranquille, toute posée, toute calme. Oui. Qui parlait pas beaucoup. C'est ça. Je pense qu'elle était gênée, mais qui écoutait beaucoup. Oui, elle avait une bonne oreille, c'est très important. C'est pour ça que vous avez dit qu'elle avait des grandes oreilles. C'est pas physiquement, c'est parce qu'elle avait une bonne écoute. Oui, très bonne écoute en tant qu'étudiante. Elle étudie en psychologie. Oui. Ça fait que ça m'aidait. Elle me disait, bon, mais c'est ça. Fait qu'on se parle. Mm-hmm. Puis on a une chimie, là, incroyable. Chimie. Oui. On peut dire une chimie. C'est important, je pense, d'avoir la chimie entre les deux. Ça va au-delà des goûts et des intérêts, parce qu'on se dit, tu dis que Manon, tu as 65 ans, Camille, la petite, elle a 22 ans, ce qui fait que ça va au-delà de ça, ça va vraiment au niveau de se comprendre, au niveau plus émotif, au niveau de quelque chose qui est plus profond que juste dire, ah oui, on va faire du vélo ensemble ou on va aller prendre une marche. Exact. Ouais. Ça va là-dedans, mais c'est un peu plus que ça. C'est plus que ça, définitivement. Plus que ça. J'ai toujours hâte qu'elle vienne. Oui, c'est vrai. Puis les rencontres, c'est combien de fois par mois? Trois fois par mois. Okay. 3-4 heures qu'on jase quand elle vient. Vous en jasez toute une. Pour jaser, on jase. Mais moi, j'ai une facilité de parler aussi, là, de m'exprimer. Mm-hmm. Parce qu'en tant qu'infirmière, il fallait que tu sois capable de parler aux gens. Ça, c'est ce que vous avez fait dans la vie. Dans ma vie, oui. Ça a été le plus beau métier du monde. Encore là, on voit des points en commun. Le métier d'infirmière, une étudiante en psychologie. Oui. Il y a déjà des liens. Les caractères semblables, les façons de... Bien, pas nécessairement des caractères semblables, parce que je la connais pas, mais des affinités entre vous. Et puis, j'aimerais ça parler des parrains aussi, des parrains marraines qu'on peut appeler. Parrains marraines. Pourquoi, Jonathan, on s'en va là? Parce que t'es tout jeune. T'es tout jeune, t'as quoi? T'as 24 ans, 25 demain. Dans quelques jours. Dans quelques jours. Ben, c'est tout jeune. Puis qu'est-ce qui fait? Ça fait combien de temps, en fait, que t'es parrain? Pour ma part, mon jumelage a commencé à ma première année à l'université. Dès ma première session, en fait, j'avais entendu parler là, par un autre organisme qui s'appelle Vrai Copain, qui est en partenariat avec le Centre de parrainage pour faire des jumelages, promouvoir les jumelages. Parce qu'il faut le dire, les jumelages proviennent majoritairement du milieu universitaire. On a beaucoup de personnes qui sont jumelées dans mes âges, voire plus jeunes. Moi, ce qui m'a vraiment amené là-dedans, à la base, j'avais... une certaine ouverture, une certaine prédisposition à tout ça parce que je travaille dans le milieu communautaire là, comme éducateur spécialisé, comme intervenant. Donc, c'est un sujet qui me touchait personnellement. Je pense que l'intégration sociale, c'est quelque chose qui doit se faire, mais qui commence par quelque chose de collectif, par quelque chose qui vient vraiment chercher tout le monde dans la société. Donc, moi, quand j'ai vu passer l'offre, finalement, de parrainage, je me suis dit, ben pourquoi pas? On entend souvent parler de parrainage avec des enfants, aides aux devoirs, grands frères, grandes sœurs. Ah oui, c'est vrai. Ça, je suis de la génération grands frères, grandes sœurs, qui avait beaucoup de publicité, oui. Puis, on en entend moins parler, mais quand même... C'est vrai qu'on entend moins parler. Ah. C'est vrai, j'ai pas remarqué. C'est vrai, on n'entend plus parler de ça. Hein. Mais je te laisse continuer. Ils sont encore là. Ouais, oui, donc moi, c'est ça, ça m'a vraiment interpellé. Puis je me suis dit, ben, faire la différence dans la vie d'un adulte qui est déjà une personne à part entière, qui est déjà une personne qui est active dans la société, qui s'implique. Mm-hmm. Je me suis dit, wow, ça serait un honneur, un privilège de pouvoir apporter quelque chose à quelqu'un, finalement. Ce que j'ai découvert, c'est que ce n'est pas à sens unilatéral, mais vraiment bilatéral. Je me suis fait aussi prendre, finalement, au jeu, puis Est-ce que ça t'a surpris de recevoir autant en retour? Oui, sans que ce soit une surprise dans le sens péjoratif. Je m'attendais à ce que ça m'apporte, à ce que ça soit gratifiant, à aller chercher une certaine reconnaissance, une certaine valeur sociale dans ce don de soi-là. Puis finalement, ce qui m'a happé là-dedans, c'est que moi qui étais habitué de construire des relations de confiance avec des gens, qui étais habitué de créer des liens, mais finalement, ce lien-là s'est transformé en une amitié authentique puis vraiment durable. Là, voyez-vous, on s'enligne sur une quatrième année de vie heureuse, quasiment maritale, moi puis mon filleul Martin, d'ailleurs, que je salue. C'est ça. Toi, le filleul avec qui tu es jumelé, dans ton cas, c'est un autre garçon, lui, il n'y a pas une grosse différence d'âge entre vous deux dans ce cas-là, ou il y en a une? La différence d'âge, j'ai moins marqué. Là. Martin, si je me trompe pas, est âgé maintenant de 33 ans. Mm-hmm. Donc, on a à peu près 11-12 ans là, maximum de différence là, au niveau de l'âge. De mon côté, c'était pas un problème. Je dois dire que non, c'était vraiment... Ça pouvait faire partie d'un cercle d'amis déjà. Oui, ouais, tout à fait. C'est quelqu'un déjà avec qui j'aurais été capable de créer des affinités là, hors contexte, étant donné que... Le fait d'avoir cet âge-là, ben, c'est quand même un moment dans la vie auquel on est quand même proche sur ce qu'on veut, sur nos attentes, notre façon de voir le monde. Oui, encore là, une petite marraine, comme on parle. C'est plus qu'une amie. Hein? C'est plus intime, je crois. Moi, en tout cas, j'ai plus, c'est plus qu'une amie. Une amie, c'est pas tout à fait... rentre pas dans nos... Dans notre tête, qu'on pourrait dire. Là. C'est un peu plus qu'une connaissance. C'est plus qu'une amie. C'est ça. Puis un ami, ben. Mais un ami, c'est un peu plus qu'une connaissance, degré. Selon vous. Ouais, c'est ça. C'est le degré, tout degré. À fait. Exactement. Puis, il parle d'amitié, puis c'est tout à fait vrai. Parce que c'est sûr qu'on dit le début d'une relation. On dit qu'on veut développer une relation amicale, mais on s'entend que quand on se voit. En premier, on ne devient pas des amis maintenant. Non. Une relation, ça se développe selon ce qu'on vit ensemble, selon ce qu'on fait ensemble. Jonathan parlait de la relation avec Martin. Nous, on connaît bien Martin. Ça fait plusieurs années qu'il est au parrainage aussi. Puis, c'est quelqu'un qui... on sentait qu'il avait ce besoin-là d'avoir une relation plus stable, d'avoir vraiment une personne proche de lui pour l'aider. Là, il vit des moments, des fois, qui ne sont pas toujours évidents. Des déménagements, des choses pas faciles. Il y a un léger handicap physique. Alors, c'est pas toujours facile au niveau de certaines affaires. Puis on trouve que ça l'a changé beaucoup. Jonathan, je le connais pas depuis longtemps. Probablement que ça l'a changé aussi. Mais Martin, on trouve que ça l'a changé beaucoup aussi parce qu'il est devenu beaucoup plus posé aussi, plus calme. Ouais. Très, il donne aussi maintenant. Parce que avant ça, on faisait des activités, puis c'était pas le genre à s'avancer puis se dire, je peux-tu vous donner un coup de main? Mais maintenant, il le fait à sa manière, à son rythme à lui, puis selon ce qu'il veut bien faire. C'est dans ce sens-là que les choses changent aussi. Ça a des effets positifs. C'est ça, là. Exactement. C'est ça, Manon. Ça a beaucoup d'effets. Oui. Moi, je suis ouverte avec ma petite marraine, là, comme je te le dis, la confesse, j'en dirais pas tant. Alors Camille est devenue curée. Non, quand même, mais on a tellement de plaisir ensemble, là, c'est incroyable. Presque autant, ben pas, non, ça n'a pas rapport, mais en tout cas, je parlais de ma fille, là, j'ai une fille de 38 ans, elle est déjà plus vieille que ma petite parole. On a ces contacts-là que tu as. Je ne sais pas où la situer, sais-tu? J'ai jamais pensé à quelle place dans mon cœur. C'est ça, c'est pas un membre de la famille, mais c'est pas un ami non plus. Il y a comme un lien vraiment particulier. C'est très particulier. C'est ce que je comprends. Oui. Moi, je dirais que je comparerais Martin à un membre de la famille, parce que ce qui se passe, c'est que oui, ça devient une relation d'amitié vraiment sincère, profonde, mais au-delà de tout ça, c'est qu'on se place dans l'intimité de la personne dès le début de la relation, donc... C'est comme si, pouf, j'arrive dans ta vie, puis finalement, ben, on compose à partir de ça. Donc, comme quelque chose de vraiment naturel qui se crée dès le début, puis qui permet vraiment de voir la personne. On fait pas d'efforts. On se montre autant sur notre meilleur jour que sur notre pire jour. Là. Tout à fait. Si je veux aller voir Martin en pyjama, je vais peut-être plus aller le faire que si je m'en vais visiter mes grands-parents ou mes parents, mettons. Ben, c'est ça, comme je dis, c'est pas nécessairement... On les considère comme un membre de famille, mais un peu... pas à côté, sans vouloir mettre dans des cases, mais ouais, c'est un peu inexplicable, le type de relation qui est développé. Est-ce que c'est toujours comme ça, Manon? Monique, voyons. Pas de problème. Oui, ça ressemble à ça, c'est désolée, ça. Désolée, Monique. Mais ce qu'on disait tantôt quand tu parlais d'intimité, c'est ça, une relation de jumelage, c'est une relation, c'est vraiment du un à un. Mm-hmm. On la développe selon ce qu'on a le goût de développer au parrainage aussi. Il y a des relations qui restent à un niveau différent. Ouais. Parce que c'est ce que les gens veulent et nous, on essaie de répondre aux besoins des personnes d'abord. Mm-hmm. Si ils disent, ben moi, je veux vraiment une personne, par exemple, pour aller, moi, j'aime bien magasiner, alors j'aimerais ça qu'on aille magasiner puis on prend un café après. Ça peut être ça pendant un certain temps. Après, la relation prend vraiment le temps de se développer. Mais les gens, je trouve, vivent vraiment chacun à leur manière. C'est ça qui fait, je trouve, la beauté du parrainage. Autant on devient plus intime ou on devient funé puis chumé, autant on peut rester sur un autre niveau où on ne développera pas nécessairement cette relation amicale-là à long terme, mais qu'on va aussi la développer tranquillement. On va, après ça, bon, il arrive toutes sortes de choses. Hein, dans un jumelage, les jumelages, ils s'arrêtent. Ça fait, c'est pas un mariage. C'est ce que je m'en allais poser la question. Quoi qu'un mariage, pas pour la vie non plus. Est-ce qu'il y en a qui ont une pression dans les jumelés de faire, ben moi, je fais du bénévolat aujourd'hui. Bon, je sais pas pour combien de temps. Puis... mais j'ai plus d'intérêt. Ça arrive-tu qu'ils ont plus d'intérêt pour X raisons dans leur vie personnelle aussi? Des fois, il y en a qui a quelque chose qui arrive dans leur vie personnelle, déménage ou peu importe. Oui, parce que ça demande une disponibilité. D'arrêter. Oui, ça demande beaucoup de disponibilité. Oui. La petite, elle travaille, elle va à l'université encore. Fait que... Oui, quand même. Ça demande du temps. Ça demande une ouverture, une disponibilité. Jonathan s'est rendu disponible, comme Camille, comme Manon, c'est ça, s'est rendu disponible à ça. Mais oui, il y a des gens qui arrêtent pour différentes raisons, parce que, comme on disait, c'est une relation qui est très un à un, donc très personnelle. Oui. Ce que ça fait, c'est que dans le fond, les gens disent, ben oui, moi je veux faire, par exemple, pour un certain temps, je vais essayer. Voir qu'est-ce que ça dit, voir si je vais me sentir bien là-dedans. C'est-tu possible d'essayer? Oui. Oui et non, j'allais vous dire. Okay. C'est ça. C'est dans la tête des gens que ça se passe. Puis ils se disent, ben écoute, ils peuvent essayer avec une personne, par exemple, puis dire, ben c'est plate, hein, mais je me sens pas vraiment à l'aise. Si j'ai pas compris telle affaire. Nous, on utilise ça du côté beaucoup positif, puis dire, ben c'est le fun. On a appris à se connaître un peu plus, puis à te connaître un peu plus pour mieux te jumeler à long terme. Le but, c'est toujours d'avoir un jumelage à long terme, comme vous vivez tous les deux. Parce que c'est ça, ce n'est pas que du mix and match, puis on place les gens, puis c'est pas des. C'est des humains. C'est pas des one night. C'est ça. Bon, j'allais peut-être pas dire ça de même, Manon, mais... Je suis pas gênée, hein, quand même. Parce qu'il y a quand même... Excusez-moi. C'est pas grave. Il y a quand même des intervenants qui font des suivis de jumelage, qui établissent ces relations-là. C'est des professionnels qui travaillent au parrainage. Encadrés. Okay. Il y a vraiment des gens qui disent oui, avec tel type de personne, ça pourrait aller, tel autre non. Il y a les rencontres d'intervention où les gens se parlent ensemble. Les intervenants, ils disent oui, j'ai rencontré telle personne, ou alors je comprends pas trop. On a aussi des stagiaires en travail social qui viennent travailler chez nous. On en a une présentement. Et la personne a, par exemple, à faire des réévaluations, de dire, ouais, j'arrive pas à cerner cette personne-là, peux-tu, toi, retourner évaluer cette personne-là? Parce qu'il y a quand même une évaluation, il y a quand même une deuxième évaluation. Oui. C'est quoi les évaluations, vous avez? Dans le fond, la référence est faite par soit un travailleur social, soit un thérapeute quelconque, soit une autre personne qui dit, ou une personne qui voit notre annonce. Fait que d'abord, il y a une demande téléphonique. Après, il y a une rencontre avec un intervenant qui est la première évaluation, qui regarde vraiment les goûts, les intérêts. Qui elle est, cette personne-là? C'est quoi ses disponibilités? Qu'est-ce qu'elle vient chercher au parrainage aussi? Et après ça, bon, il y a les contacts avec les autres intervenants qui rencontrent les bénévoles. Ils disent, bon, OK, comment on fait ce match-là? Et c'est là que ça commence. Ça peut prendre une semaine, deux semaines. Ah oui, c'est quand même rapide, je trouve, une semaine, deux ouais, semaines. Oui, c'est ça. Des fois, nous autres, on trouve qu'il y a des bénévoles qui trouvent super assez vite, mais c'est ouais. ça, ça dépend des gens. Il ne faut pas trop retarder non plus, parce que des bénévoles, c'est des personnes qui vont aller ailleurs si on fait pas c'est ce qu'on a à faire. Ben, parlant de ce bénévolat-là, ouais. Qu'est-ce qui t'a amené, par exemple, Jonathan, à choisir ce type de bénévolat? C'est plutôt que d'aller travailler ailleurs. Tu sais, moi, je suis à CKRL, c'est un type de bénévolat que je fais. Pour donner la parole aux gens, j'ai choisi ce type de bénévolat-là. Ça se dit très mal, mais qu'est-ce qui fait le jumelage que tu as envie d'aller parrainer quelqu'un? Qu'est-ce qui fait la différence là-dedans? Qu'est-ce qui fait la différence? C'est qu'avec le centre de parrainage civique, on peut vraiment... on prend une fleur, puis finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on va pouvoir l'aider à fleurir. On va aller voir la beauté de la personne. Puis des fois, on va aller chercher un petit quelque chose que la personne ne se rend pas compte qu'elle a. Puis vice-versa. Donc, ce que je trouve beau, puis qu'est-ce que je me suis dit justement quand j'ai vu le centre de parrainage pour la première fois, je me suis dit... Il me semble que c'est une fabrique à créer des meilleures personnes, autant pour moi que pour elle. Puis je voyais ça un peu comme un défi. Je me suis dit, est-ce que je peux vraiment apporter quelque chose à cette personne-là? Puis en partant de cette optique-là, ben, je me suis dit, pourquoi pas? Puis je pense que c'est à la base, on peut construire un monde meilleur. Puis la direction est claire là-dessus du parrainage. C'est redonner un pouvoir d'agir à la personne. C'est de faire en sorte qu'on l'aide à trouver ce qu'il y a de plus beau en elle. Puis moi, à chaque fois, je vois Martin, j'ai dit « Wow, t'es normalement une belle personne, tu le savais-tu? » Puis juste cette action-là au quotidien, c'est tellement quelque chose de précieux à faire puis de beau à faire dans un monde qui est tellement rapide. Puis c'est comme une bouffée d'air frais, finalement, quand je vois Martin. Là, c'est un moment qu'on a ensemble, puis on s'arrête. Puis « Hey, t'es rendu où, toi, dans ta vie, dans tes affaires? Puis on prend le temps de s'informer un de l'autre. Donc, je trouve que ce contact-là, un à un, c'est quelque chose de solide. Puis c'est quelque chose que, oui, j'avais dans ma vie personnelle, mais qui me manquait quand même dans un sens, parce que prendre le temps d'injecter autant de temps puis de disponibilité, d'intérêt pour quelqu'un dans son entourage. L'énergie aussi. On peut le faire, mais c'est souvent à la course. Puis, on voit telle personne, puis OK, on s'en voit, mais finalement, on s'en voit pas avant un bout de temps. Mais Martin, c'est quelque chose de récurrent. On peut pas s'oublier un et l'autre, c'est ça. C'est des rendez-vous. Oui, c'est fixe. Personne qui touche à ça. C'est sacré. C'est le mot, c'est sacré. Mais Jonathan, toi, c'est combien de fois par semaine, par mois, que tu rencontres ton fiole, en fait? C'est assez variable. Il faut se dire que faut pas arriver dans l'optique puis se dire... on a peut-être un... là, il faut se voir absolument trois fois cette semaine. C'est vraiment libre à un puis à l'autre. Il y a des jumelages qui vont se voir un peu plus, des jumelages qui vont se voir un peu moins. Moi, je dirais que ça dépend du contexte. L'année passée, j'étais un petit peu moins disponible. Je vivais des situations dans ma vie. Donc, on a été, un mois et demi, deux mois à avoir des échanges téléphoniques, à s'envoyer des messages. Mais tu étais présent quand même. J'étais présent quand même, mais d'une autre façon. Ces temps-ci, ça la donne bien. On n'a pas du temps quand même bien orchestré, fait qu'on peut savoir quand même souvent. On s'appelle cette semaine, on s'est appelé 3-4 fois par exemple. On prévoit de se voir aussi dans les prochaines semaines, un dimanche par-ci, un dimanche par-là, telle soirée, OK, on s'en va prendre un café. Fait que je dirais que ça varie, mais comme cet été, je suis parti en voyage tout le mois d'août. C'est qu'on s'est pas vu du mois d'août. On s'est pas vraiment non plus parlé vu que c'était frais interurbain, mais c'est correct. On était d'accord avec ça. Puis on avait prévu ça aussi dans notre relation. Fait que je dirais que c'est pas quelque chose de fixe, c'est pas quelque chose de coulé dans le béton, c'est quelque chose qu'on ajuste, qui est fluide puis qui tient compte des deux personnes. On se parle. Puis ce que tu disais, c'est important, c'est que les bénévoles viennent aussi chercher quelque chose. Autant les personnes filleules viennent pour des raisons particulières dans ce qu'ils vivent, c'est la même chose pour les bénévoles. Ils viennent aussi chercher quelque chose et on essaie, dans les entrevues aussi d'évaluation, c'est le même type d'évaluation qui se fait au niveau des bénévoles que ça se fait au niveau des personnes filleules. Alors, les intervenantes, lorsqu'ils rencontrent les bénévoles, ils me disent, qu'est-ce que tu viens chercher ici? Qu'est-ce qui t'amène à faire ça? Exactement les questions que vous posez. Nous, ça nous les prend aussi pour essayer de comprendre. Si on sent que la personne n'est pas à sa place ou c'est pas vraiment ça, Ben, on va, c'est aussi beaucoup de si quelqu'un dit, ah, moi, je veux vraiment aider. Moi, je sais ce qui est bon pour l'autre. Ah, moi, je le sais, puis je vais le faire. Ouais. C'est, on n'est plus là-dedans, là. On se dit, ah, pas sûr, là. On va commencer par autre chose. C'est ça, quand tu parles de développer le pouvoir d'agir des personnes. Ben, donc, c'est pas de la prise en charge. Mm-hmm. C'est pas de dire, je vais te prendre en charge. Tu sais, donne-moi ton libre, je vais aller chercher de l'argent. Ça, là, c'est pas. Demain, faut pas que ça demande trop d'énergie. C'est comme une, c'est convivial aussi. Puis, es-tu plus convivial que de faire un repas? Moi, je sais que ma petite marraine elle est étudiante, fait que je l'empêche de manger du beurre à peanut pour un repas, en tout cas. Fait que je lui prépare des repas. Oui. Ça me fait plaisir parce que moi, ça me fait revivre des moments d'eux. Mais vous devenez marraine à quelque part à un moment donné, c'est ça? On ne sait même plus qui est marraine. Ah non, c'est ça. Les rôles s'échangent. Ben, ça ressemble à quoi le type d'activité que vous pouvez faire? Comme là, j'ai entendu à un moment donné du magasinage. Moi, ça se peut-tu, Manon? C'est arrivé une fois. Enfin, je ne magasine pas beaucoup, mais c'est pas vrai. Nous, ben, c'est ça. Moi, je fais 90 % du temps, c'est un repas. Fait qu'en partant, c'est déjà 2 heures, 3 heures, là, on prend notre temps. Ben oui. Et puis, là, on jase là. Puis après ça, bon, on prend un café, puis on jase encore. Puis là, bon, elle dit, bon, là, je vais y aller. Parfait. Elle n'est pas encore partie. On est encore une autre heure. C'est ça, on ne voit pas l'heure. On ne voit pas le temps. Dans le fond, c'est très variable aussi. On est heureux. C'est ça le but, c'est que chacun y aille selon ses goûts et ses intérêts. Mm-hmm. Donc, dire, ben moi, si j'aime aller au cinéma, ben on va aller au cinéma ensemble. Après ça, on va en discuter. On va aller prendre des marches. Il y en a qui font des sports d'hiver. Il y en a qui font du vélo. Il y en a qui, vraiment, c'est plus le besoin de parler. D'autres, c'est le besoin de bouger, d'aller vers aussi. C'est ça le besoin. Il peut y avoir aussi des personnes qui ont le goût de voir d'autres organismes. Qu'est-ce qu'il y a dans ma communauté là? Qu'est-ce qu'il y a autour de chez nous? Fait que ça peut être un des rôles des parents aussi, c'est d'aller dire ah oui, gars, savais-tu qu'il y a tel organisme ici? Savais-tu qu'il y a telle place tu peux aller? Tu sais, ta bibliothèque est proche et tu es inscrit, t'as-tu telle affaire? Tu sais, c'est plus des choses dans ce sens-là qui se font et c'est vraiment aussi très personnel. Pour faire du pouce sur ce que tu disais, Monique, justement, c'est d'aller aussi selon les besoins de la personne. Comme moi, Martin est à mobilité réduite. Donc, c'est sûr qu'on ne pourra pas aller faire de vélo, par exemple. Il faut que l'endroit soit accessible. Donc là, ça pose un autre regard sur « Oh, si on voit là, est-ce qu'il y a une rampe d'accès? Est-ce qu'il y a un ascenseur? » Donc, exactement. Ça, c'est toutes des questions préalables qu'il faut se poser, que nous, dans notre quotidien, on ne pense pas nécessairement, mais je ne vois plus le monde de la même façon maintenant. Là, c'est sûr, ça, c'est clair et certain. Oui. Donc, on se rend compte de ça, premièrement. Puis, ça nous sensibilise à la réalité des autres aussi. Oui, totalement. Puis, exactement. Souvent, au départ, j'avais tendance à dire, ben Martin, je m'en viens te chercher à telle heure, mais j'ai réalisé à un moment donné qu'en allant chercher Martin, c'est plate pour lui parce que Martin dépend de moi, Martin m'attendait. Fait que là, ben maintenant, on se dit, OK, on se rejoint à telle place à telle heure, puis Martin ben, commence son transport adapté par lui-même, mais là, il est content parce qu'il s'est déplacé par lui-même. Donc, je pense que c'est aussi quelque chose qui évolue, puis on se rend compte, on se réajuste sur certains points, comme nous, ben, moi et Martin, c'est sûr un classique, notre activité préférée. On aime ça aller faire le tour de l'île d'Orléans. On s'arrête aux petites boulangeries. On s'arrête aux petites fromageries. Puis en bout de ligne, ben, on s'arrête aux toilettes. Puis ben, on s'en va aux pommes. Comme là, ben, cette année, là, on est en train de planifier ça, là, notre sortie aux pommes. Fait que ça, c'est sûr, c'est un classique qui revient tout le temps parce que c'est quelque chose qu'on aime les deux. Sinon, ça peut être au goût du jour. Ah, ben, il y a un spectacle là-bas. Moi, ça me tente. Ça te tente-tu, toi? Bon, je connais pas ça. Ouais, mais écoute telle chanson, puis redonne-moi-en des nouvelles. Fait que ça permet après ça de relancer la personne, puis ça lance des pistes. C'est quelque chose qui peut être autant spontané que planifié sur du long terme. Mais ça se peut-tu aussi, en terminant, avant d'aller à la pause, qu'il y en a qui savent pas quoi faire? Qui sont. Ben, je veux aider, mais je sais pas quoi faire. Puis ça vient. Pas nécessairement de la personne fiole. C'est pas parce que la personne fiole n'a pas d'idée ou quoi que ce soit. Exactement. C'est juste qu'avant même de rencontrer, ben je sais pas. Exactement. Il y en a qui se disent, mon Dieu, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec une personne, par exemple, qui a un handicap ou qui n'est pas capable d'aller dans des foules, qui fait un peu d'agoraphobie. Ah, je vais faire quoi? Ben, nous, on a quand même cette possibilité-là de dire, ah oui, connais-tu telle place? Donc, on donne des idées aux gens. On peut... Puis des fois, les gens, c'est une peur que tu as en dedans. Fait que quand tu rencontres la personne, cette peur-là s'en va, puis tu dis, mon Dieu, dans le fond, c'est un peu comme moi, hein, c'est toi et moi, on va faire des activités ensemble, puis on va le faire le plus simplement possible. Mm-hmm. Puis c'est sûr, les gens ne sont pas riches, hein, autant les mm-hmm. personnes filleules que les personnes bénévoles. Alors on essaye de trouver des endroits gratuits, des places où c'est le fun d'aller, puis que des fois qu'on ne connaît pas dans notre ville, hein, qui sont ben oui. Assez ouais. simples. Est-ce que vous faites des jumelages des fois avec d'autres organismes? Ou, par exemple, il y a un événement dans tel organisme, puis vous oui, ça arrive. Nous, sur notre Facebook, on dit, entre autres, là où il y a des choses intéressantes, que ce soit des conférences à l'Association canadienne de la santé mentale, que ce soit à la boussole, que ce soit autopsie, nous, on dit aux gens, bien, vous pouvez assister. On ne fait pas nécessairement de groupe pour toujours participer à. D'abord mm-hmm. parce que ça ferait beaucoup trop au niveau du travail, mais on veut aussi que les gens connaissent leur environnement et donc on dit, bon, le parrain peut amener, par exemple, la personne à dire, ah oui, viens donc voir cet organisme-là, ça pourrait être intéressant. La Corderie, il y a plein d'endroits ici à Limoilou qui sont le fun aussi, qui sont à Charlebourg, Beauport. Alors, il y a plein de choses qui sont intéressantes et oui, les gens, des fois, ne savent pas toujours, mais on les oriente facilement puis ça devient assez simple. Puis à un moment donné, ben, plus la relation se développe, plus ça vient facile aussi exactement. De se connaître. C'est ça. Puis de se proposer, exactement. Là. Ça vient des deux côtés, là, les propositions. Exactement. On va faire une pause parce qu'on a déjà une demi-heure de fête. Ça passe vite, hein? Ouais. On a bien volé. On revient. On est de retour à l'émission Les Différents. Et comme à la première année, je fais encore danser mes invités avec ma musique. Je suis contente de mon thème. Si je vous dis « Ne cherchez pas la différence, faites-la », c'est exactement la phrase qui est venue m'interpeller pour parler de jumelage. Et je suis avec le Centre de parrainage civique de Québec. Il y a Monique Maltais, coordonnatrice. Je vais essayer de ne plus vous mêler. Manon Tremblay, qui est une personne filleule, qui est en jumelage aussi. Et Jonathan Légaré, parrain en jumelage et président du CA de l'organisme. Rebienvenue. On voulait parler, on a terminé avant la pause, vous donner des idées aussi d'activités, tout ça. Et au bout de la ligne, on parlait des personnes qui décident d'être bénévoles oui. chez vous. Vous les rencontrez, tout ça. C'est quoi les critères d'admissibilité, autant du côté parrain que du côté fiole? C'est, dans le fond, on va commencer du côté parrain parce que, ce qu'on demande, dans le fond, aux gens, d'abord, juste le fait qu'ils téléphonent, c'est déjà de dire, bon, je suis intéressé à en savoir un peu plus, puis à savoir comment je peux m'engager un peu plus. Mm-hmm. On demande naturellement une certaine disponibilité dans le temps. Au départ, on dit, si on veut créer un lien, ben il faut mettre le temps qu'il faut pour le créer, comme dans toute relation qu'on a entre nous. On demande aussi une certaine ouverture pour dire, ben oui, je suis ouvert justement à faire cette différence-là dans la vie de quelqu'un et ouvert à la différence. Je vais mettre de côté certains préjugés que je peux avoir, certaines limites que je peux me donner, puis que dans le fond, j'ai, comme on disait tantôt, Jonathan, relever ce défi-là, de dire je vais entrer en contact. Alors, on demande surtout cette possibilité-là. Une personne aussi qui est capable, qui accepte d'être encadré dans sa relation, qui accepte de dire « oui, je dois faire un suivi du jumelage, je dois téléphoner à l'intervenant. S'il y a des choses qui vont pas, ben je vais devoir en parler. » Parce qu'on s'entend qu'on a besoin d'ajustement au début d'une relation. C'est pas si simple. On se dit « bon, on connaît ce que tu disais tantôt, Jonathan, on connaît pas, tu savais pas trop au niveau de Martin, est-ce que je peux aller là, est-ce que je peux pas y aller? » À cause des limitations. Ouais. Exactement, à cause de certaines limitations on que les gens peuvent avoir. Ouais. Fait qu'à partir de là, on demande aux gens ben, accepter cette partie là, et adhérer à notre philosophie. Nous, on trouve important, on est vraiment dans une philosophie où les gens, Camille n'est pas thérapeute de Manon, ni non. Jonathan, le thérapeute. Alors, on va vraiment dans une relation d'égal à égal, de réciprocité et d'échange et accepter cette attitude-là. Ça demande un peu, accepter aussi de se former de temps à autre, de venir à des rencontres de formation qui sont pas nécessairement, c'est pas tous les mois, là, on s'entend. On a ce qu'on appelle des groupes de parole qui sont animés par Claire Tremblay, qui est une psychothérapeute de formation, mais à la retraite. Alors, c'est super intéressant parce que c'est vraiment le temps là, d'échanger, de se dire nos affaires. Et quand il n'y a pas d'intervenant, ben, je peux dire comment je me sens dans ma relation puis comment je vis. Nous, on ne forme jamais nos bénévoles sur la déficience, l'incapacité, la problématique en santé mentale. Ah non. Jamais. C'est vraiment de dire, bon, on crée cette relation-là. Sinon, on va enlever une certaine spontanéité. Mm-hmm. Tu sais, de dire, ben oui, quand on rencontre quelqu'un, nous, dans la rue, on s'est rencontrés ce matin, vous et moi, je n'ai pas demandé, ah oui, avez-vous vécu quelque chose ou je me suis renseignée avant. Oui, c'est pas c'est de l'intervention c'est qu'on essaie de faire. C'est prendre la personne comme elle est. Oui. C'est ça. Ben, c'est ce que vous prônez. Puis, quand j'ai publié hier sur la page des différents que vous étiez pour être ici ce matin, j'ai été reprendre ce que vous aviez comme mission, une partie du paragraphe qui est justement de contribuer, je vais juste le reprendre, contribuer à l'acceptation de la différence et à la lutte aux préjugés dans la communauté. Exactement. Ça, c'est. Juste cette partie-là, c'est un gros travail d'acceptation, d'ouvrir les horizons. Mais déjà là, quelqu'un qui s'en va chez vous pour faire du bénévolat, pour être jumelé à un fiole ou une fiole, il y a déjà une ouverture. C'est déjà quelque chose. Il y a déjà quelqu'un qui est ouvert. Il faut être prêt. Voilà. À recevoir. Ouais. Bon, oui, bien sûr. Si on veut donner, il faut être prêt à recevoir. Puis justement, du côté des fioles, il faut aussi être prêt à être ouvert à qui on Exactement. Va rencontrer. Oui. Dans le fond, les critères qu'on a dans notre politique d'admissibilité des personnes fioles, les gens se considèrent isolés socialement, c'est-à-dire une personne qui est isolée, qui est vraiment seule. Ça ne veut pas dire qu'elle vit seule, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas d'entourage, mais ça veut dire que socialement, c'est beaucoup plus difficile de s'avancer et d'aller, de se créer un réseau social. Mm-hmm. C'est aussi une personne qui accepte les mêmes choses, d'adhérer à notre philosophie, qui est vraiment dans son processus de développement du pouvoir d'agir vers son rétablissement. Mm-hmm. Ça paraît ça aussi des grands termes, mais c'est aussi de prendre sa vie en main et de pas dire, ben moi, je viens pas chercher de la prise en charge. Là. Je veux pas que tu viennes absolument me chercher. Je veux pas que tu viennes, tu sais, juste me dire, ah oui, fais ça pour moi ou je t'appelle 10 fois par jour, puis tu n'as pas un mot à dire. Tu sais, c'est plus de mettre cette... Non, sinon, c'est un thérapeute. Exactement, dans ce sinon, ça devient... Besoin. Exactement, donc, c'est pas un thérapeute non plus. On ne fait pas de thérapie, c'est sûr. Autant que le parrain ne doit pas arriver, puis dire, ben là, je vais sauver quelqu'un, je vais sauver le monde. C'est ça. C'est un bon point que tu amènes, Jonathan. Est-ce qu'il y en a qui arrivent avec cette idée-là de, hey, je vais sauver le monde au complet, mais vous ne pouvez pas sauver le monde au complet? Non. C'est il y en a une qui personne arrivent, à la fois qu'on va aider et... Mais d'être quand même assez humble aussi quand on arrive là, d'avoir une certaine humilité. Là. Ouais. On n'est pas meilleur que l'autre, puis on n'est pas là pour y apprendre comment ça marche la vie. On n'est pas là pour y dire ses quatre vérités non plus. Là. C'est de l'accompagnement, mais c'est d'avoir avant tout une présence avec la personne. Puis... Accepter l'autre tel qu'il est aussi. Ouais. Ben, c'est ça. Exactement. Vous, Manon, si admettons Camille, votre petite Camille, comme vous l'appelez, était arrivée avec ses gros sabots, puis dire « Voyons donc, ça n'a pas d'allure telle chose, voyons. » Ou qu'elle avait une opinion sur tout ce que vous aviez à dire. Je pense qu'à un moment donné, vous auriez fait « Bon, je pense que ça non, fait trop au pas. Début, elle était gênée. Ça a été elle est encore un peu, mais pas moins qu'avant. Parce que au début, là, c'était... pour rentrer en relation, c'était difficile avec quelqu'un qui est gêné, qui n'est pas capable d'exprimer ses émotions. Là. Ça fait quoi? Ça fait 1 an, 2 ans que vous êtes deux ans, 2-3 ans. Là. Ouais. Ouais, là, on a appris à se connaître, mais ça a pris du temps parce qu'il fallait y arracher les mots de la bouche, comme on dit, l'expression. Ouais. Mais elle était là pour les bonnes raisons. Elle était là pour les bonnes raisons. C'est ça, c'était pas de sauver le monde. Ah non, non. C'était d'être là pour vous. Puis ce qui peut sembler à Manon qui semblait au départ plus difficile, dans le fond, c'est aussi, si je le regarde, moi, du côté, par exemple, de Camille, ça peut être de dire, je vais respecter son rythme. Je vais aller plus lentement. C'est ça. Je vais l'écouter plutôt que d'exprimer plus de moi. Puis après ça, c'est un échange. Ça en vient, exactement. Finalement. Parce qu'il y a toujours le côté plus positif de ça, c'est qu'à un moment donné, vous développez cette relation-là. Mm-hmm. Je pense que la crainte aussi, peut-être, d'un nouveau parrain, d'une nouvelle marraine, ça peut être aussi belle. Est-ce que moi, je suis plus jeune que cette personne-là, est-ce que je vais l'infantiliser en l'accompagnant, en lui disant telle chose? Donc, c'est quelque chose à la base, moi, en tout cas, que j'ai vécu. Puis finalement, avec le temps, ça j'y pense plus, puis j'ai plus cette inquiétude-là. Mais à la base, je pense que c'est quelque chose, peut-être, que chaque parrain, marraine peut être amené à vivre quand il y a une bonne différence d'âge. Différence d'âge, elle a pu... Présentement, on ne l'a plus, ça, cette différence d'âge. Là. J'ai une petite question, Monique, pour, par exemple, est-ce qu'il y en a qui disent, moi, j'ai jamais été en contact, puis ça, ça se peut très bien, j'ai jamais été en contact avec quelqu'un qui a une mobilité réduite, qui est en fauteuil roulant, par exemple. Je sais pas comment m'y prendre. Il y en a qui ont des blocages. Et qu'est-ce que vous leur répondez? Comment vous les guidez si, admettons, ils sont jumelés ensemble parce qu'ils ont des caractères qui se ressemblent, parce qu'ils ont des envies, des intérêts communs? Pour, tu sais, la personne, oui, elle est déjà ouverte, mais elle sait que ça se peut qu'elle soit pas à l'aise avec le fauteuil. Il y a, c'est un exemple qui m'arrive en mémoire. Marie-Ève, lorsqu'elle est arrivée au parrainage, elle voulait pas du tout être jumelée avec une personne qui avait un handicap physique. Et elle l'a été. Et ils sont ensemble quand même depuis 5 ans. Mais au départ, c'était pas ce qu'elle voulait, mais c'était au niveau de la personnalité, au niveau des goûts, des intérêts, que ça, ça matchait, c'est en plein ça. Alors, mais ça a donné une super de relation. Puis ils sont encore ensemble. Maintenant, ils se voient beaucoup plus comme des amis que comme filleuls. Ils jouent au Scrabble ensemble, et, ils vont se promener dans des parcs. Ça, ils font beaucoup de choses ensemble dans sens-là. Au bout de 5 ans, par exemple, est-ce qu'il y a encore un suivi qui est fait pour le jumelage? Beaucoup moins régulier, c'est sûr, parce que les gens deviennent vraiment comme des amis, comme vous et moi, on va aller voir nos amis, c'est ça. Donc, ils ne se voient pas non plus nécessairement toutes les semaines. Ils font vraiment, ils s'appellent, salut, comment ça va, tu passes une belle journée, ou on fait-tu telle activité. Exactement. On va-tu au cinéma, on fait des petites choses ensemble, ils vont au restaurant, c'est ça, mais c'est sûr que c'est plus un suivi. Le suivi se fait vraiment de la part des intervenants. Mais ce qu'on demande aussi, c'est que les parents marraines et les personnes filleules le fassent, c'est dans les premiers mois. Là, c'est un suivi très régulier. Ouais. C'est ça. Les stagiaires pour voir comment ça démarre. Donnent un bon coup de main là-dedans pour faire les suivis de jumelage. Ouais. Exactement, pour que ça démarre. Ouais. Au besoin, on rencontre de nouveau les gens. On va en activité avec eux. On les invite au parrainage. On leur redit notre philosophie, notre façon de faire. Mm-hmm. Dans ce sens-là, ça va super bien. Puis, Vous êtes un peu des entremetteurs. Oui, c'est vrai, c'est beau. Les entremetteurs d'amitié, oui. Oui, c'est beau, on va garder ça. Entremetteurs, c'est bon. C'est très bon quand même. Mais il n'y a pas que les relations amoureuses qu'on peut être entremetteurs dans les relations d'amitié, de jumelage, oui, de parrainage. Ah, ça pourrait être ça, ben oui. Il y en a combien de couples de jumelés chez vous? Présentement, on a 108 jumelages actifs. À Québec? Ce qui est quand même beaucoup. C'est beaucoup, oui. À Québec, oui, on est... Il y en a plus que je pensais. On va le dire, on est un gros centre de parrainage civique au Québec, parce qu'il y en a quand même 18 au Québec. Alors, on a un regroupement du parrainage civique qui est à Montréal. Le bureau est à Montréal, qui regroupe vraiment les 18 organismes. Il y en a qui ne sont pas membres du regroupement, mais qui font quand même du parrainage civique. Et on a la même philosophie de base. Mais chacun aussi travaille différemment dépendant de l'endroit où tu es. Si tu es à Trois-Rivières, si tu es dans la grande ville de Montréal, si tu es dans Montérégie, c'est autre chose. Même le Bas-Saint-Laurent, l'Abitibi, alors c'est sûr que ça se passe autrement. On a donc 108 jumelages actifs et 61 personnes en attente de parrainage. Oh, c'est quand même pas mal. 61 personnes en attente, donc... Exactement. Ça prend 61 personnes qui désirent aider pas quelqu'un d'autre. Pas tout d'un coup, mais c'est ça. Peut-être pas tout d'un coup, mais quand même. C'est ça, on a quand même un manque, on a une personne, Hugo, qui travaille lui, qui est intervenant, qui travaille lui à la liste d'attente des personnes, c'est-à-dire de gérer cette liste d'attente-là, de prendre les nouvelles demandes, les évaluer et de les réévaluer. C'est combien de temps, quand on est sur la liste d'attente? Ça peut être long? Ça dépend toujours des bénévoles qu'on reçoit. On dit, c'est pas parce que tu es le dernier arrivé que tu vas être le dernier servi. Et c'est pas parce que tu es le premier que tu es le premier non plus. Encore long, il va par le jumelage, le type de personnalité. Exactement. On va pas le premier qui est sur la liste, celui qui attend depuis le plus longtemps, mais ça veut pas dire qu'il va être jumelé avec la première personne Exactement. Qui arrive comme bénévole. On a eu un exemple, au fil des années, la personne va peut-être se reconnaître parce qu'elle est encore au parrainage, qui lui demandait vraiment quelqu'un exactement de 21 ans qui restait à tel endroit, qui avait tant de disponibilité. Et on lui a dit, écoute, c'est une photo que tu veux, là. C'est ça, c'est une exigence. C'était bien trop. Il dit, pas grand, je vais attendre. Eh bien, on a trouvé la personne qui voulait. Ils sont encore en jumelage, ça doit faire 10 ans. Certains sont en jumelage. C'était très drôle parce qu'on a dit, ben écoute, t'as été patient. T'as entendu. C'est pour ça qu'on a une personne qui travaille à la liste d'attente pour faire en sorte que ces gens-là ne sont pas juste sur une liste d'attente, mais qu'il se passe quelque chose aussi, qu'ils participent participent aux activités, qui font des choses avec nous. Parce que vous faites des activités aussi, si je comprends bien. Oui, on même, a, si, oui. Même pour les personnes qui ne sont pas jumelées. Oui, oui. On a des activités de groupe, des grandes activités. Oui. Quelques-unes dans l'année. On n'a pas beaucoup parce qu'on veut se concentrer sur le jumelage. Puis ce qu'on veut, c'est que les gens aillent dans la communauté. Donc, on se dit, on ne refera pas ce qui se fait ailleurs. On veut que les gens sortent. Alors, on va plutôt leur dire, il se passe telle affaire, tu pourras aller à la Croix-Blanche, tu pourras aller faire telle chose. Tu sais, les fêtes de quartier ou tout ça. Ça fait qu'on ne veut pas non plus tout refaire. Là. Mais oui, on a quelques activités. La fête de Noël, la fête du printemps. Ça, vous en faites quand même à l'intérieur de l'organisme. Oui, mais vous ne voulez pas que tout le monde reste tout le temps à l'organisme. Non, c'est ça. Exactement. Qui volent de leurs propres ailes à l'extérieur, les couples, les différents jumelages. Exactement. Vous mentionnez qu'il y a une bonne façon aussi de transmettre l'information, parce qu'en étant dans le... En faisant partie du centre de parrainage, on devient membre du centre de parrainage. Donc, il y a des courriels, on reçoit aussi un journal. Donc, il y a toujours toutes sortes de médiums, finalement, pour rejoindre le plus de gens possible qui sont au centre de parrainage. Donc, tout le monde finit par avoir l'information au bon moment. Oui. Joue au quai aussi. On est allé. On est allé à une activité particulière parce qu'on est subventionné par Centraide. Et dans le cadre de la campagne, il y avait eu des choses à un moment donné. Oui. On a fait une activité spéciale. C'est ça. On a différentes... quelques activités. Ils sont beaucoup sur notre site web. C'est sur ça. Le site web. Et sur Facebook, on annonce aussi nos choses, oui. Oui, puis je vais mettre les liens sur la page des différents aussi. Merci. Comme à chaque émission, là, je vais vous placer en lien. Et déjà, si on veut voir, il y a déjà une publication qui date d'hier soir pour vous annoncer à l'émission que si les gens ils peuvent pas attendre, mais cliquez sur le centre, il est surligné, vous allez le voir, le lien est là. Puis on aime bien que les gens nous appellent, ça fait que c'est le monde travail aujourd'hui, alors c'est le fun. Les gens peuvent téléphoner, juste prendre l'information. Nous, on est ouvert. Ça n'engage à rien. Non, on s'engage à rien. C'est vraiment de savoir est-ce que je suis admissible autant pour de l'aide que pour donner. Exactement. Que pour recevoir aussi, c'est ça. De donner et recevoir, exactement. C'est dur recevoir. Ça. Mais là, c'est pour donner que vous avez vraiment plus besoin de gens. Là, il y a 61 personnes, vous m'avez dit, qui est en attente. En attente, comment on fonctionne si on veut vous contacter pour dire, je suis curieuse de savoir comment ça se passe. J'ai du temps où je suis prête à en prendre parce que j'ai envie d'aider quelqu'un, mais... Tu sais, comme on parlait tantôt, ne pas changer le monde, là. Donnez-vous un temps, mais quelqu'un qui a les bonnes intentions, qui a envie de vous aider, qui a envie de parrainer quelqu'un, comment ça fonctionne? Dans le fond, peu importe l'âge, peu importe la condition de la personne, on disait, c'est vrai qu'on a une majorité de jeunes de l'université qui viennent au parrainage. Est-ce qu'il faut être majeur, déjà en partant? De préférence, De préférence, oui. Oui, c'est ça. Non, parce que des fois, il y a du bénévolat pour des plus jeunes aussi là, qui existent. Donc, c'est pour ça que je pose la question. Avoir 18 ans de préférence. Aussi, même si les gens travaillent, dans le fond, ça demande peut-être moins de temps qu'on pense au niveau des disponibilités parce que ça peut être avec les activités qu'on fait. Moi, je suis quelqu'un qui vient, je reste dans le coin d'ici, puis je viens souvent sur la 3e avenue. Alors, si j'étais jumelée, je pourrais dire à la personne, viens donc faire des commissions avec moi, on n'est pas loin, on va faire des petites choses ensemble. Dans le fond, on peut. Ben, c'est ça le but, c'est de faire des choses ensemble, d'apprendre à se connaître. Donc, ça peut être de manger ensemble, comme fait Manon. Et c'est ça peut être... C'est très intéressant. Je suis étudiante, quand même. Oui. Je pense pas qu'elle se plaigne, Camille. Elle se trouve gâtée. Ben, moi aussi, elle me gâte. Hein. Elle me donne de la fraîcheur. Elle me donne de la jeunesse. Elle me donne... elle me garde en bon québécois up-to-date, pour être dedans, là, tu sais. Bon. Ça va déjà assez vite, la vie. On parle beaucoup de je lisais dans notre rapport annuel, l'effet miroir. Oui. Il y a un filleul qui a fait un témoignage, Luc, puis il disait, tu sais, moi, je suis content parce que j'ai comme l'effet miroir de voir dans l'autre qu'est-ce que, tu sais, tu disais tantôt, ce que tu vas chercher chez l'autre, ben tu le revois aussi, et l'autre vient chercher quelque chose effet aussi. Miroir, fait que c'est ça qui est super intéressant. Mm-hmm. Ouais, je trouvais que c'était un bel exemple. Alors, les gens peuvent se appeler chez nous, peu importe ce qu'ils font, et on va trouver la personne qui va le mieux convenir. Mm-hmm. Parce que les gens, ont le droit de dire, moi, j'aimerais mieux être jumelée qu'une personne, par exemple, qui vit une problématique en santé mentale. Je serais plus à l'aise parce qu'on peut se déplacer plus facilement. Ben oui. Puis on va respecter ce type de choses-là. OK. Oui. C'est une démarche qui est très ouverte, puis vraiment qui est surprenante, qui est enrichissante. un très, très, très beau pas à faire qui nous amène très loin. Ça nous ouvre les horizons, en tout cas. Et en tant que fiole, moi, oui? Je suis une gâtée de la vie. La vie m'a aidée en m'amenant une petite camille. Oh oui, moi, c'est primordial. Je pense que le jumelage vient de marcher. Il marche de ce côté-là, ça, oui. C'est sûr. Ah oui, nous autres, oui. On fait des bons échanges. Et puis, elle vient, des fois, démêler mon pad, mon ordinateur, puis elle vient, oui, tout me démêler ça. Hier, en tout cas, on a travaillé fort. Mais c'est ça que ça peut être aussi. Ben c'est, oui, pas de monter sortir, une grille et de sortir toutes les activités, puis tout ça. Ça peut être juste d'aller y dire bonjour chez eux. Exactement. Aussi. On dit que c'est du bénévolat, mais tu te lèves pas un matin en disant « ben là, je m'en vais faire du bénévolat, je m'en vais voir mon fiel ». Non, non, c'est quelque chose qui se fait de soi, c'est quelque chose à quoi on réfléchit même plus. C'est la base du bénévolat. C'est humain. C'est tout ce qu'il y a de plus humain, finalement, ce qu'on fait. Là. Exactement. C'est le contact humain. C'est humanisme. Cœur à cœur. Tout à fait. Il y a des événements aussi. Je veux prendre le temps parce qu'il nous reste comme 2-3 minutes maximum. Il y a le 25 septembre, Monique. Oui, la journée P. Qu'est-ce que c'est? Alors, que la journée P, c'est la journée passion, partage, parrainage civique. Et en plus, on est associé au Pacini cette année. Alors, on reste dans le P. C'est on n'est pas dans une diète ici. Non, hein, c'est ça. Il faut éviter les 3 P. C'est dans. C'est à la grandeur du Québec. Alors, c'est vraiment faire parler de nous et faire connaître le parrainage civique. Mm-hmm. Certains Pacini à différents endroits, dont nous, c'est Vanier. On est au même endroit. Notre Pacini de Vanier, c'est 2 pizzas pour le prix d'une. Et tout le 25 septembre. Et nous, on sera là aussi, le matin, le midi et le soir, pour prendre des photos avec les gens s'ils ont le goût. On a des passe-têtes qu'on appelle. Alors, on prend chacun une photo pour initier des duos. Alors, ça va être le fun. On sera là. Jonathan sera là le soir. Nous, l'équipe de travail, on va être là le midi et le matin. Alors, c'est ça. Je vais y aller avec ma petite Camille va être là le matin avec Donc, avec Manon. Vous voulez rencontrer Manon et Camille. Et Jonathan, c'est là. Peut-être avoir la bouche pleine, mais ils vont être là. La bouche pleine. Alors, c'est notre journée P. C'est la journée pizza. Avec notre groupement. Vous pouvez aller voir aussi les autres Pacini. Les autres Pacini, j'ai vu qu'il y avait aussi qui étaient impliqués sur le site de Pacini aussi, et sur le site que j'ai vu du regroupement de parrainage civique, c'est parrainagecivique.com. Exactement. Donc, là aussi, il y a toutes les informations en plus de tout ce que vous avez dit. Il y a des concours, il y a des prix à gagner, alors c'est ça, c'est intéressant. Et à Québec. À Québec, là, on a parlé du Pacini Vanier, mais ça c'était aussi... C'est une journée pour le Québec au complet. Exactement. Mais là, à Québec, le 30 septembre, vous faites partie... on peut aller prendre un verre au Sacrilège. Sacrilège, place que CKRL connaît bien. Oui. Oui. Et justement, le 30 septembre, au Sacrilège, vous pouvez contribuer. C'est 50 sous qui est remis à l'organisme à chaque verre vendu. Chaque bière vendue, exactement. Donc, on est très contents parce qu'on remercie beaucoup Mathieu Villeneuve, qui est quelqu'un originaire du communautaire et un des proprios du Sacrilège du projet du Sacrement. Alors, dans ce sens-là, on est bien contents. Alors, on a une première date le 30 septembre. Il y en a une en décembre aussi. Ça va être marqué sur notre Facebook. Oui, c'est ça. On a 4 fois dans l'année. Alors, on est bien contents. C'est pas la première fois que je voyais qu'il y avait quelque chose avec le Sacrilège. On est enchanté de ça. 50 sous par bière. Venez prendre un verre à notre santé. Nous, on sera là. Et c'est ça. On est bien contents de ça. Monique, vous allez prendre une petite bière cette journée-là aussi? Manon. Manon. Monique, oui, et Manon aussi. Manon, je ne suis pas sûre de ça, moi. Mais la prochaine fois, moi, je vais organiser mes invités qui n'aient pas des noms et des lunettes qui se rassemblent. Ah, c'est vrai, lunettes, ouais. Je vous mets... Désolée, Manon, vous y allez. Mais c'est pas grave. Allez prendre une bière. Oui, pas sûr. C'est parce que moi, je me mobilise en le sachant le matin seulement. Okay. La façon on va la prendre à ta santé, nous. Mais sinon, je vais mettre cette information-là aussi sur la page des différents. Oui, c'est déjà terminé. Merci. Ça a passé vite, hein? Oui. Merci beaucoup. Un gros merci. Merci. Monique Maltais, coordonnatrice. Manon Tremblay, qui est une personne fiole en jumelage, et Jonathan Légaré, qui est parrain et président du CA. Merci beaucoup. Merci, c'est très gentil d'être passé et j'espère avoir incité les gens au bénévolat, mais au jumelage aussi. Puis toutes les informations vont être sur la page des différents. Merci beaucoup. C'est déjà tout pour nous cette semaine et le temps passe tellement vite, ça a aucun bon sens quand on a des sujets comme ça. Si vous voulez, comme je vous dis, aller sur la page des différents pour pouvoir avoir toutes les informations. Sinon, il y a le Centre de parrainage civique de Québec. Je vais vous donner le site internet qui est le cpcq.ca pour avoir toutes les informations. Et nous, c'est déjà terminé. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre différence. Et la semaine prochaine, on parle de diversité corporelle. À la semaine prochaine.